10. Le secret du fond de la malle. Imaginez l'intérieur du chalet du Père Noël. Trompette assis sur la malle est en grande discussion avec Flagadelle. Flagadelle, ouf ! Nous voilà enfin arrivés au pôle Nord, mon cher Trompette. Te rends-tu compte ? Nous sommes dans le chalet du Père Noël. Trompette, oui, mais il n'y a personne. Flagadelle, personne ? En es-tu bien certain ? Moi, je vois des dizaines de perdus curieux qui nous regardent, qui nous lisent. Tu ne les vois vraiment pas, Trompette ? Trompette, si, il me semble les deviner. Tu crois que ce sont les yeux des lutins du Père Noël ? Flagadelle, je ne crois pas, non. Ce sont ceux des enfants qui lisent notre histoire. Trompette, ah oui, c'est incroyable !Flagadelle, les enfants, vous qui êtes en train de nous lire ou de nous écouter, nous sommes dans le chalet du Père Noël et nous venons de très loin. Trompette, nous venons du pays des miracles. Flagadelle, nous avons reçu un SOS parce qu'il y a un gros problème. Trompette, un très gros problème. Flagadelle, oui, le Père Noël a besoin de nous. Trompette, et surtout, Picaouette a disparu. Flagadelle, c'est vrai. Vous ne sauriez pas éventuellement où est passé Picaouette ? Déjà, connaissez-vous Picaouette ? Trompette, c'est un ver de terre, tout vert, et rigolo, des fois. Il a une drôle de voix aussi. Et puis, il n'a ni pied ni main. Et je l'aime beaucoup. Il me manque. La malle sur laquelle Trompette est assis se met subitement à vibrer. Une voix semble en sortir, celle de Picaouette, évidemment. Nous, nous le savons. Mais Flagadelle et Trompette ne le savent pas encore. Flagadelle, tu vas me dire que je suis folle, Trompette, mais je crois que j'entends encore des voix. Trompette, non, je ne vais pas te dire que tu es folle. Flagadelle, vous, les enfants, là, vous avez bien entendu quelque chose, non ? Trompette, Flagadelle, je crois que c'est la malle. Regarde, elle bouge toute seule. Flagadelle, ne me dis pas que c'est une malle maudite, s'il te plaît. Trompette, au contraire. Je crois que c'est une malle qui nous réserve une bien agréable surprise. Flagadelle, alors il faut l'ouvrir tout de suite. Je crois deviner ce que nous allons y trouver. Du bonheur. Trompette et Flagadelle ouvrent enfin la malle. Tout bouge à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'apparaisse une tête bien connue, une tête toute verte. Verte de rage, pour l'occasion. Flagadelle et Trompette. Picaouette ! Picaouette, c'est pas vrai, j'y crois pas. C'est pas possible. Vous m'avez enfin libéré. Je suis enfermé là-dedans depuis au moins 1000 ans. Trompette, depuis 1000 ans, c'est loin. Picaouette, depuis 1000 ans, pas 1000 ans. Flagadelle, mais enfin, comment est-ce possible, Picaouette ? Picaouette, comment est-ce possible, tu demandes ? J'ai plongé au fond de la malle pour vérifier que Monsieur Trompette n'avait pas oublié d'y mettre la grosse boîte de chocolat. Trompette, bon alors, Monsieur Picaouette doit être content parce que je n'ai pas oublié la grosse boîte de chocolat. Flagadelle, il y avait bien la grosse boîte de chocolat dans la malle ? Picaouette, oui, il y avait bien la grosse boîte de chocolat dans la malle, mais Monsieur Trompette a claqué le couvercle de la malle sur ma tête et je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Flagadelle, oh non, Picaouette, je suis sûr que non. Trompette était inquiet, enfin, je crois. Tu n'as pas fait exprès d'enfermer Picaouette, n'est-ce pas ? Trompette, bien sûr que non. Flagadelle, Picaouette, je ne vois pas la grosse boîte de chocolat. Picaouette, j'ai tout mangé, les chocolats. J'avais tellement faim que j'ai même mangé la boîte. J'ai très mal au ventre et j'ai très soif aussi. Flagadelle, oh mon pauvre Picaouette, je suis tellement désolé. Nous pensions t'avoir perdu. Picaouette, vous ne m'avez même pas cherché. Vous êtes parti sans moi. J'ai été trimballé pendant des siècles dans un coffre et personne n'a pensé une seconde à l'ouvrir. J'ai crié et personne ne m'a entendu. Flagadelle, il m'a bien semblé entendre ta voix, mais j'ai cru que c'était un rêve. Trompette, voilà, ça y est, on t'a libéré maintenant, tout va bien. Flagadelle, et n'oublions pas que nous avons une mission de la plus haute importance à accomplir. Picaouette, je n'oublie pas, je vous ai entendu parler pendant le voyage. Je crois même que vous avez parlé de moi, et un bonhomme de neige a chanté une chanson avec Alan Pop. Trompette, au fait, où est passé Monsieur Pop ? Il disparaît tout le temps. Il porte bien son nom, monsieur Pop. Flagadel, c'est vrai, il a encore disparu. Pop. Picouette, heureusement que je suis là. Regardez, il a glissé un mot dans la malle. Flagadel, lis-le, Picouette. Picouette. Flagadel. Quoi ? Enlève le mot de ta bouche, on ne comprend absolument rien à ce que tu dis. Trompette, donne-moi ça, Picouette. On ne parle pas la bouche pleine. Picouette, mais c'est justement ce que je vous dis. Je ne peux pas lire avec ce papier dans la bouche. J'ai pas de main. Dois-je vous le rappeler ? Trompette, allez, je te le tiens. Vas-y, lis. Picouette, vas-y, lis. Ça veut dire quoi, vas-y, lis ? Flagadel, s'il te plaît, Picouette, arrête de faire l'andouille. Veux-tu bien nous faire la lecture du message de Monsieur Alan Pop, s'il te plaît ? Picouette, avec plaisir, gentes dames. Trompette, n'importe quoi.